Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Ah, ma haine pour les gens qui mettent le Winamp sur repeat le matin. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 11 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, ce n'est pas François-Olivier. Non, plus, un petit peu plus féminine. Oui, c'est François-Olivier qui s'est fait faire l'ablation de la virilité. Ben, c'est comme ça quand t'as un deuxième enfant. Ouais, c'est ça. faut que tu te fasses opérer. Ouais, il reste plus grand-chose après. Là, c'est une femme. C'est assez. Ça devient un couple lesbien. Oui. Après le deuxième enfant, c'est comme ça pour tout le monde. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. C'est la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui est avec nous d'habitude les mercredis aux deux semaines. Mais elle est là qu'on a en bonus track le mardi aussi. Ben oui, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est ce que je me suis demandé le matin. C'est ça, cette affaire-là. Stéphanie Paradis, viens là. Donc, est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui? J'imagine que tu veux savoir un peu, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce beau programme? Je suis fébrile. Ah, ben, mets-en pas trop, s'il te plaît, parce que tu vas mettre la barre haute, là. Hein? C'est bon. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir à 8h notre ami le maître Michel Lebrun. Hein, vous savez qu'il fait sa chronique panier à salade et aujourd'hui, il va nous ouvrir grand la porte. Grande. Ah oui, je suis fan, je suis vraiment fan. Groupie. On t'appelle depuis toujours une assemblage groupie. Oui, exactement. Et en plus, c'est une Michel Lebrun. Non, il n'y en a pas. Ça vient pas? Non, ça vient pas par tout. On reviendra tantôt. Ça, il y a de bonheur. À 8h30, David Ferron. Il va avoir sa chronique « La langue dans ton oreille », donc il va nous parler de musique francophone comme toujours. Je sais qu'il m'a dit son temps, mais tu me connais? Est-ce que je me suis rappelé de ça? Probablement pas. Sûrement pas. On n'aura pas, par contre, Maxime Tanguy, qui est là le mardi à 7h30 d'habitude. Il a terminé la semaine passée. Ah, c'est dommage. C'est oui. Mais on va le revoir en janvier de toute façon. Et en première heure, question de compenser pour Maxime Tanguy, et parce que c'est ta chronique préférée, je savais pas que t'allais être là, mais quand même, bon, ça tombe bien, c'est un fait kinky, c'est que c'est Time Edition! Bon. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va commencer ça, par contre, en musique avec un excellent extrait de Hannah Georges, son deuxième extrait de cet album qui se nomme Dine Alone. Et on va aller écouter la pièce Enemies dans quelques secondes à Assemblage requis. Passez une bonne émission. Merci, Steph, d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, je pense qu'on va avoir du plaisir. J'espère. Hein? Hein? Pourquoi pas? Okay, tu pars quand tu veux, Hannah Georges. Hein? Quand tu veux. Oui? Oh, c'est son cœur qui bat, je pense. M'entends? Elle revient à la vie. Quoi? Bip, bip, bip, bip, bip. C'est quoi les sons que ça fait? Je sais pas, je suis pas calée en cardiologie. Ah, c'est ça! We're in a sea full of sharks. Just swimming around and around. If we get cut, they're gonna take. We'll be right back. accueillir mon parallèle. J'avais un corps étoile tien dans un univers matériel. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. Revenu un petit peu en arrière avec le premier extrait de la formation de Noem. Oh, excuse-moi, c'est vrai. Je vais placer un intro. T'as-tu rendu compte que j'ai placé un intro? À peine. On va faire comme si ça n'était jamais arrivé. Ça passe dans le beurre, ça. Donc, c'était leur premier extrait, Mon Espace. Celui qui est sur le palmarès en ce moment, c'est Beltane. Voilà. Sur cette note de non-professionnalisme de gars qui n'est pas trop préparé, voici la chronique Il était deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a fois, peu importe. Est-ce que tu connais Il était deux fois, Stéphanie Paradis? Non, je connais pas ça. On le fait pas bien souvent parce qu'on n'a jamais le temps de le faire. Ben oui. Ben oui, mais l'intro est prête, puis elle attend juste d'être jouée. Donc, Il était deux fois, c'est évidemment le bloc de l'émission où on fait passer deux pièces de deux groupes qui ont le même type sanguin, mettons des O négatifs. Oui. C'est ça, évidemment, là, c'est un concept quand même assez simple à expliquer. Là. Des fois, ça peut être aussi, je sais pas, deux groupes qui portent souvent des chandelles de Malajube, mettons. T'sais. OK. Mettons. Comme Malajube et... Et un autre groupe, mettons, je sais pas, il y a des groupes qui portent sûrement des chandails comme ça. Non, il semblait que c'est juste deux fois le même artiste, c'est original à mort, là. C'est un nouveau concept qu'on essaie. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, je suis pas mal sûr qu'on est les premiers, sinon deuxième max, à faire ça. Deux fois le même artiste et deux chansons différentes, c'est original quand même. Oui. Oui, oui, oui. Bon, t'approuves. Oui. Donc, on va écouter l'artiste Karim Ouellet, qu'on aime beaucoup ici, assez fou. Il y a une pièce dans le palmarès qui s'appelle L'amour. Donc, je pense qu'on va. On devrait commencer avec celle-là, tiens. Hein? L'amour de Karim Ouellet à Sondage Rock. Tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. Dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je je ne rêvais pas de prose ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, sont l'eau fraîche et l'amour. Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ours, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en vas pas. C'était Carrie Mouellette et deux pièces de son album Fox. On vient d'entendre Fox et avant ça, c'était L'amour, l'extrait du palmarès francophone en ce moment. Puis Stéphanie, Carrie Mouellette, hein? C'était bon? Mais ça? Ben oui, je connaissais pas vraiment, là. Non. Mais non, j'ai bien aimé ça, d'écouter deux comme ça, là. Fait job, hein? Oui. En arrière de la cravate! Ah, je suis pas trop sûr de savoir ce que ça veut dire. Je sais pas, ça envoie quelque chose en arrière de la cravate. Aucune idée. Donc, c'était le bloc, il était deux fois, vous avez compris le concept. Deux pièces d'un même artiste, c'est révolutionnaire. On va faire de l'argent avec ça, je suis sûr. Sans aucun doute. Maintenant, tiens, toujours assemblage requis. Il est 7h22 minutes, très exactement. Et Stéphanie Paradis est toujours avec moi, Mathieu Plante. Hein? Oui. C'est ça. Et je pense qu'on devrait transitionner, parler un petit peu du spectacle qui a eu lieu hier soir. Stéphanie, il y avait un gros spectacle à un endroit très, très caché, l'université, n'est-ce pas? Oui, le CIPP. Le CIP. Qui connaît le CIPP? Ben, de nom peut-être, là. Hein? Non, même pas. Non? Moi, je l'ai découvert hier parce que je tenais absolument à aller voir la descente du coude. Ah, quel excellent groupe. Ah, c'était vraiment bon. Super de belles prestations. Là. J'ai vraiment adoré ça. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Non, malheureusement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Je pense que... Tu sais, le concept est vraiment génial, mais malheureusement, c'est encore trop méconnu sur le campus. Ben c'est ça, c'est un des défauts du concept. On adore l'idée d'avoir un spectacle caché à un endroit inusité du campus, avec un groupe qu'on sait pas c'est qui à l'avance. On sait le jour même, ils l'ont annoncé ici à Assemblage Requis. Mais ce que ça fait, quand on choisit un endroit aussi reculé que ça, c'est que les gens ont aucune chance de passer devant et faire « Hey, un spectacle, je vais y aller, tu sais. » Et aussi, il faut chercher l'endroit. Pour les personnes qui connaissent pas l'endroit, faut le chercher. Puis des fois, ben, on se décourage puis on fait de la merde, ben, je ça. Retourne chez moi. Laisse donc faire d'abord. C'était dans le hall d'entrée du pavillon Pâté Papier, CIPP. Exactement. Qui est assez reculé sur le campus. Là. C'est pas. Personne ne passe jamais pas devant. Sur le bord de la rue, mettons. Non. Ça paraît pas bien. Donc c'est ça. C'est super comme idée, mais en tant que tel, les gens se sont peut-être moins présentés. Mais par contre, la descente du coude, un excellent groupe. Leur album L'Idéal en civière, qu'on adore et qu'on joue tout le temps. On va en entendre tantôt d'ailleurs. Ils ont donné une bonne performance. Hein? Oui, c'était vraiment bon. Là. Ils étaient très présents. Et, je veux dire, ils ont donné vraiment leur maximum pour aller chercher tout ce qu'ils pouvaient du public qui était quand même tranquille à la base. Là, mais... Ouais. Non, c'est, ça a quand même levé, je pense. Réussi, ça m'a donné, ça m'a donné envie d'aller les voir ailleurs parce que bon, j'ai raté pour différentes raisons ce spectacle-là. Mais bon. Sinon, il y avait une première partie, c'était un artiste qui s'appelle Descoteaux, c'est un étudiant de l'UQTR. Oui. Tu l'as vu un petit peu à la fin quand un même. Un petit peu. Oui, j'ai manqué le début parce que je cherchais le pavillon. Sur ton iPod Touch. Oui, c'est ça. Mais quand même, donc il a fait du beau travail. Il a fait une pièce d'une publicité, je pense. Oui, c'est ça. C'était vraiment très cocasse. Là. La finale, elle valait la peine. Là. C'était sympathique. Là. Okay. Oui. Sur une belle petite scène, est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'environnement? Comment c'était placé? Je sais que j'ai vu les photos, une photo sur le Facebook des Soirées Cachées où on voyait le logo sur un affichage de bûches de bois. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on rentre dans le pavillon, il fallait vraiment faire le tour parce que quand on arrivait derrière le groupe. Donc, il fallait faire le tour pour arriver de l'autre côté dans le hall. Mais c'était, en fait, pas vraiment de scène. C'était comme en plein milieu du hall et le groupe nous encourageait à ne pas nous accoter sur le mur. Et ça l'était fait dire, je pense. Oui, mais c'est ça. Ils ont dit, le groupe va venir si vous n'êtes pas sur le mur. Donc, tout le monde au centre et... on tape des mains. Et littéralement au centre, intégré en pâte et papier, t'avais vu, c'est là. Ah, merveilleux. Non. Écoute, là, je fais des liens sans m'en rendre compte. Mais t'es hâte de même, t'es hâte. Donc, allez voir sur facebook.com/soirée-cachée-c'est-fou. Là-dessus, ils ont finalement mis les photos du spectacle hier. Quand j'étais allé hier soir, il y avait seulement, évidemment le logo. Oui. Parce que le show n'avait pas encore eu lieu. Donc, il y a des photos du spectacle et des différentes choses en lien avec tout ça sur facebook.com. Et le photographe a vraiment l'air d'avoir fait une job incroyable. Là. Il était super actif. Là. Il va avoir des vidéos, des photos. Ben ça, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'était. Je pense qu'il va avoir des très bonnes archives de ce spectacle-là. Ben j'ai entendu dire qu'il y avait une GoPro avec eux, les organisateurs de l'événement, donc qui allaient prendre le spectacle en vidéo et tout ça au complet. Donc une GoPro, ça fait... C'est la belle image. Oui. J'aime ça. Je suis jaloux un peu. Donc voilà, la descente du coude aux Soirées Cachées, c'est fou. Évidemment, il y aura d'autres Soirées Cachées, c'est fou. On va les recevoir, les organisateurs, pour en parler à chaque fois, révéler le nom du groupe et l'endroit où ça va avoir lieu. Et puis, peut-être que j'irai au prochain. Hein? Et très sincèrement, j'ai vraiment hâte de savoir ça va être quoi le prochain groupe. J'ai été très satisfaite la première fois, donc j'ai des grandes attentes pour la prochaine. Oui, c'est ça. Ta première à toi, c'était... Oui, moi, c'était ma première. Oui. C'était ma première des Soirées Cachées. Il y en avait eu d'autres, là. C'était vraiment bon aussi, les autres fois. Qui y avait déjà? Je sais pas. En tout cas, c'était très bon tout le temps, de très, très bons choix musicaux. Voilà, on va aller entendre justement quelques pièces de la descente du coude. Est-ce que je t'en pousse au hasard ou tu m'en... Ah, t'en avais ouais, une, hein? Ouais. Vas-y. Oui. Ulysse, j'aimerais entendre Ulysse. C'est laquelle? La 11. Ben, allons-y à l'instant. La 11. On écoute la 11. Ça va être bon, la 11. C'est un assemblage requis. La descente du coude, assez fou. retour, on va être osé pas mal. Hein? C'est un fait qui c'est Time Edition. Mm. Oh yeah! Oh, oui. Rassemble un qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. La descente du coude et la pièce Tétroville, assemblage requis, c'est la suggestion de Stéphanie Paradis, évidemment. Ah, je savais plus laquelle choisir, sont tellement toutes bonnes. Mais oui, hey, c'est là peut-être que je les ai vues, hein. Tu me disais, je me demandais, j'ai vu la descente du coude à un moment donné en show à Drummondville ou Victoriaville ou une ville qui a une ville dedans. Murdochville ou... Murdochville. Sinon, c'est une belle ville juste à cause du nom, Murdochville. Je sais tellement pas c'est où, c'est quoi. Proche de Valleyfield, je pense. Valleyfieldville, exactement. Non, Tétroville, je trouve que c'est là que je les ai vues parce que je vois tellement souvent qu'ils finissent par me dire, hey, t'es trop souvent ici. T'es trop. Non, sûrement jamais entendu. Voici quelque chose d'autre que vous avez jamais entendu dans votre vie. Jamais entendu quelque chose d'aussi osé sur les ondes d'une radio FM. Hein? Voici. C'est un fait kinky, sexy time et des choses. Trop dedans. Ouais, pas fort. Bon. Donc, c'est un fait Kiki Sexy Time Edition. C'est évidemment la chronique où on vous présente des choses osées, des choses pas trop vulgaires. On essaie de se censurer nous-mêmes, s'auto-censurer. J'allais dire, tu sais, vu que François-Olivier n'est pas là ce matin, tu sais, que des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Hein? Tu sais, fait qu'il faut faire des affaires quand même, même s'il n'est pas là. Mais là, t'es là. Fait mais je suis là. Pas. Donc, commençons par, un que j'ai pas fait, potentiellement, voilà. Au Moyen-Âge, on pensait que le testicule gauche est ce qui faisait, ce qui fabriquait le sperme pour créer une fille. Donc, les hommes qui voulaient des fils se faisaient enlever le testicule gauche. Oh! Moyen-Âge. C'est tout à fait logique. Tout à fait, ça vient du sens. Celui-là, est-ce que je l'ai déjà fait? L'axillisme. Est-ce que tu te rappelles ce qu'est l'axillisme? L'axillisme, non. Je m'en souviens pas. Non. C'est, tu sais, quand tu veux des relations qui sont safe, dans le sens que tu peux pas tomber enceinte, c'est une technique de safe sex où l'homme s'insère dans le dessous de bras de la fille ou de l'autre personne. C'est vrai. Je préférerais oublier l'idée, tout simplement. Laisse-moi faire. comment est-ce que tu dis? Est-ce que c'est anthropologue, anthropologiste? Anthropologue? Ouais, certains anthropologues croient que les talons hauts sont sexy, OK? Parce que ça simule la posture, avec le dos courbé, là, la posture des animaux lorsqu'ils s'accouplent. Ils disent que c'est pour ça qu'on trouve ça sexy. C'est comme très animal. Ben, c'est pas fou. C'est les hanches sont dans une autre position. Et... ouais. Le dos très, très, tu sais, ben, droit, mais comme courbé par. Moi, par comme bord, arqué. Là. Arqué? Bien dit, bien dit. Selon Kinsey, je sais pas si c'est la compagnie qui fait le fromage, là, sûrement pas, mais selon Kinsey, les mordures, en fait, mordre... Les ça, quoi? Les morsures. Oui, OK. Tu comprends ce que je voulais... Ouais, mais t'as raison de me corriger. Les oui, morsures. Morsures. Évidemment, quand tu y penses, c'est logique. Morsures. Donc, ça va exciter 50% des partenaires sexuels. Donc, si tu te mets à mordre l'autre personne, t'as une chance sur deux que ça l'excite, une chance sur deux qu'il te frappe. C'est ça. Morsures! Oui. Ça, c'est for sure. Morsure, for sure, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, tiens, des relations douloureuses sont vécues par presque deux femmes sur trois à un certain moment de leur vie. Donc, des douleurs lors des relations sexuelles, ça arrive chez deux tiers des femmes environ. Presque deux tiers. Dommage. Dommage, dans la vie. Seulement 30% des femmes sont capables de se rendre à l'orgasme seulement par la pénétration. Ah oui, ça me surprend pas tant que ça. Non, hein. Les canards femelles ont évolué avec le temps. Okay? Ils ont évolué jusqu'à avoir un système complexe sexuel, un système sexuel complexe avec plusieurs cul-de-sac et tunnels pour confondre les canards masculins ou mâles qui ne veulent pas avoir. Donc, dans le fond, ils s'insèrent dans le mauvais endroit. Fait comme ça, ils tombent pas enceintes. OK. Quand ils ne veulent pas d'eux. Bizarre. Bizarre. J'imagine que les canards femelles qui veulent du mâle vont lui... tracer une carte. Oui, ils vont le montrer le bon trou. C'est ça. Sort le bon GPS. Tunnel. L'odeur la plus excitante pour les hommes. Est-ce que tu veux la deviner, l'odeur la plus excitante pour les hommes? En fait, celle qui les allume sexuellement. L'odeur? Je sais pas la lavande? Non, clairement pas. En tout cas, pas pour moi, non. C'est la tarte à la citrouille. La tarte à la citrouille. Ben, en fait, c'est ce qui augmente le sang dans l'engin en moyenne 40%. Donc, c'est ce qui réussit le plus à les exciter. J'aurais pu essayer de deviner. Ça aurait été probablement mon dernier choix. Probablement. Le roi Charles II portait des perruques qui étaient fabriquées à partir des poils de l'entrejet de ses maîtresses. Arc. Oui. Parce qu'à l'époque, il portait des perruques... partout, tout le temps. Puis il y en avait qui portaient des perruques d'entregin aussi. Pour vrai? Pour cacher les maladies, tu t'appelles ça? Je ne veux déjà parler à un moment donné. Ça m'est resté. Environ 22% des femmes ont un faible désir sexuel dans la vie. C'est juste comme ça. Elles ont un faible désir. Alors que les hommes, c'est 5% environ des hommes qui ont de plus faibles désirs sexuels. Environ 15% des femmes qui sont post-ménopausées vont avoir... vont voir leur désir sexuel baisser aussi. 15% des femmes en post-ménopause. Prends des hormones. Et voilà. C'est commun pour les femmes qui allaitent d'avoir une lubrification inadéquate dans l'entrejet. Ah! Oh. Ouais, triste. Les problèmes sexuels, qui est juste en général, arrivent chez environ 43% des femmes aux États-Unis. Des problèmes, juste des difficultés sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Les hommes qui sont circoncis, typiquement, vont prendre un petit peu plus de temps avant de se rendre que ceux qui ne sont pas circoncis. Je crois que c'est logique. Pourquoi non? Ben, pas... La sensibilité, oui, la sensibilité, c'est ça. Sensibilité, c'est ça? Ouais. En fait, non circoncis, donc toujours un petit morceau qui est à l'air, donc qui va se conditionner à être moins sensible parce qu'il doit affronter plus de problèmes dans la vie, plus d'obstacles. Et... Ah ben, t'as bien raison, ça a bien du sens. Le couple moyen ne dira pas « je t'aime » avant le deuxième mois de la relation ou avant que le deuxième mois soit complété, donc dans le fond, le troisième mois. OK. La plupart des couples. Selon le U.S. National Health Foundation, ou même là, parce que c'est une fondation, après avoir souffert d'un rhume, on devrait attendre au moins 6 jours avant d'embrasser quelqu'un. 6 jours? 6 jours! C'est long déjà qu'il faut endurer ça pendant le rhume. Oui! Ah non, j'aime pas ça. Non. Une femme a déjà eu un hickey, ça c'est une sucette, là, comment on appelle ça? Oui, une sucette, un chuchon. Ça, là? Oui. qui l'a temporairement paralysé. C'était un hickey tellement profond que ça a relâché un caillot de sang dans une artère, ce qui a causé une, comment on appelle ça, stroke en français, une genre de crise, là, genre. C'est pas comme un caillot? Ouais, c'est un caillot de sang, dans le fond. Un mouton! Tabarouette! Jackie Chan, Cameron Diaz et Sylvester Stallone, qu'est-ce qu'ils ont en commun selon toi? Vite de même, pas grand-chose. C'est des acteurs, tu me dis. Ouais, c'est ça, à part ça. Ils ont tous été vedettes d'un film porno à un point de leur carrière. Donc, Jackie Chan, Cameron Diaz et Sylvester Stallone. Pour vrai? Je te jure. Tu m'intrigues. Ben quand même, cherchez. En Rome antique, les hommes qui étaient trouvés coupables de viol se faisaient écrapoutir leurs testicules entre deux pierres. Ah oui, oui, ça tu l'as déjà fait. Reste intéressant. Et ça semble toujours tout aussi douloureux. Oui, tout toujours. la plupart des gens, en général, trouvent que, tu sais, les petits trous dans les joues, là. Les petites fossettes. Ils trouvent ça sexuellement attirant. Ben oui, tellement. C'est vrai. Des belles pommettes. C'est cute. Deux belles grosses pommettes. Vraiment deux belles grosses pommettes. Les femmes, c'était déplacé ça. les femmes égyptiennes inséraient des pierres dans leur engin pour ne pas devenir enceinte, pour ne pas tomber enceinte. Ils inséraient des pierres dans leur... Des pierres? Oui. Des pierres, des roches. Oui, oui. Mais on dirait, je vois pas pourquoi ça peut empêcher de tomber enceinte. On est en Égypte, là, dans le temps, là. Juge pas les Égyptiennes. Moi, je pensais que tu allais plutôt me parler de l'origine, là, des bouches chinoises, mais en Égypte, ça... Peut-être. Il y a un kit, un ensemble qui s'appelle Clone Willy, où tu peux faire le moule de l'engin d'un homme, soit en chocolat, en bonbon ou en suçon. Ah oui, celui-là j'ai déjà aussi, vu ça. J'ai déjà fait, je pense. Non, mais moi, en ce cas, j'ai déjà vu ça, ces trucs-là. Non, ben non, je ne l'ai pas fait. Pas commandé ça. Je n'ai pas d'entregent masculin. Non, mais non. Tu n'en avais pas disponible. Sur le moment, non, j'en avais pas. Un sondage nous apprend que la majorité des hommes sont sexuellement attirés par les filles plus petites. Ah. Bon, d'accord. Pour chaque 5 millions d'hommes, un naît sans engin. Pour chaque 5 millions d'hommes. Ça, c'est triste. C'est triste. Au moins, il n'y en a pas trop. Non, mais sinon, tu as le contraire. Il y en a qui sont vraiment chanceux. Tu sais, hermaphrodite, là, les deux en même temps. Chanceux slash peut-être pas vraiment chanceux. Bizarre. Ben, non, pas bizarre. Ce serait méchant. Différent, original, spéciaux. L'orgasme masculin, en moyenne, dure 6 secondes, alors que la femme a 23 secondes d'orgasme. 23 secondes. Ah. Pour un, parce que tu peux en avoir plusieurs de suite, peut-être ça. T'sais. Oh, je pense qu'on connaît pas toutes les mêmes 23 secondes. Pourquoi? Je trouve ça un peu long. C'est long, hein? J'ai de la difficulté à croire ça. D'accord, bon. Ça dit en moyenne. Fait que s'il y en a qui sont beaucoup en plus moyenne. Longues que ça, puis ouais. Ah non, impossible. Impossible. On parlait de canards tantôt. Les canards masculins, mâles, d'accord, vont en fait muer, si on veut. Je sais pas si c'est le terme qu'on utilise pour les canards, mais vont perdre et vont faire repousser leur engin avec le temps. Ah! Ils perdent et ils repoussent. Comme les chevreuils avec leur bois. Voilà. est-ce qu'il grossit à chaque année aussi comme le bois du chevreuil? Je sais pas, bonne question. J'ai des photos. la personne moyenne va avoir combien de relations sexuelles pendant sa vie au grand complet, tu devinerais, toi, mettons? Ah mon Dieu. Sors ton iPod Touch calculatrice, là. Non, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. 4239 fois, en moyenne. Ah, je suis déçu. Bon, ça, non? Ah, ça pourrait être plus. 4239. Ouais, 4239. Pour une vie. 4239. Tu vis en combien d'années de vie, mettons? Je sais pas. 100 ans, maintenant? Ben là, 100 ans. Mais non, mais c'est parce que tu commences pas à zéro non plus. Il y a ça. Mettons 80. 60. 60 ans. OK. Donc, 4239 divisé par 60 ans, OK. Ça fait 70,5 par année. C'est pas bien bien. Hein? Non. C'est peut-être la moyenne, par contre. Malgré qu'il doit y avoir des périodes aussi qui sont moins... Tu sais, je veux dire, d'après moi, à 70 ans, t'as pas la même vie sexuelle qu'à 30 ans. Probablement pas. Donc, c'est peut-être pas si pire. On fait de moyenne. 4239 fois dans une vie. La pornographie est une industrie à 57 milliards de dollars. Quand même. Bon, bravo. Les glycoprotéines et le sélénium sont trouvés dans peuvent être trouvés dans le sperme, ce qui aide à réduire le cancer du sein chez les femmes de presque 50%. Glycoprotéines et sélénium, c'est bon pour la santé. Le sexe rend les femmes plus jolies. On dit que pendant les relations sexuelles, le corps double son niveau d'estrogène, ce qui rend les cheveux plus brillants et la peau plus douce. Hein, on n'a plus de raison de pas. D'avoir mal à la tête. C'est ça, exact. Et finalement, les études psychologiques nous apprennent que porter des sous-vêtements sexy, elle va faire une grande différence chez, dans le fond, comment la personne va se rappeler de leur expérience sexuelle avec toi. Donc, si tu as des beaux sous-vêtements, ils vont avoir un meilleur souvenir de la relation sexuelle. Que si c'est des sous-vêtements beige et... De grand moment. C'est ça. C'est ça. De ouais. Des hamacs. Ça me surprend pas de temps. Non. Moi non plus. Voilà, pour c'est un fait kinky, sexy time, mais déjà. Intéressant. Ouais! On va entendre la formation locale Bears of Legend, qu'on aime beaucoup, comme tout ce qu'on fait jouer, évidemment. Là. C'est le privilège qu'on leur donne. On les aime, fait qu'on les joue! Hein? Oui! Bears of Legend, The Mornings Have Let You Down. Tout de suite à Assemblage Rock. C'est vous! Qu'est-ce qu'on a fait, fin? Oh! You down. You said God has just never been here. That he was for the mothers in tears. He let you fall in between. And the trees, the grass and the seas. Your eyes, they never come clear. All money, religion and fear. Tonight, let's just forget the words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad. And all the mornings I've let you down. Just never been here. That he works for the mothers in tears. He let you fall in between the rocks and the leaves, the skies and the trees,

Magic et Speed, The Collapse, à Assemblage Rocky. 7h57, c'est pas mal la fin de la première heure de l'émission et on va aller entendre l'info campus. Est-ce que tu veux ton crédit d'auteur pour la première fois, Stéphanie Paradis? Non. Tu veux pas prendre le blâme pour ça, hein? Non, je veux pas qu'on associe l'info campus avec moi, s'il vous plaît. C'est toi qui fais prononcer des drôles de choses à Dany Janvier, là. Oui, ça, j'avoue que des fois, j'ai du beaucoup de plaisir à l'écrire parce que j'aime mettre des mots compliqués ou des noms de conférenciers. Ou Ming Chao. Du Carl Jinovin Chuchu, là. Chin. Ouais, donc c'est ça, c'est Stéphanie Paradis qui a écrit l'info campus et le voici. On revient tantôt avec Michel Lebrun et son panier à salade et David Perron et la langue dans ton oreille. Reste là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 11 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. En remplacement de Chose-Bin. C'est patente, là. Comment ça, Olivier Marchand? Ah, c'est ça. Je cherchais, là. Le nouveau papa. Oui. Oui, papa. Oui, papa. qui a eu son deuxième enfant, donc il est à, je sais pas s'il est encore à la maison ou à l'hôpital ou quoi, mais il va nous en parler à son retour d'ici la fin de la semaine, sinon la semaine prochaine. On l'espère. Ouais. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Moi aussi. Dans quelques minutes, on va parler avec Michel Lebrun, on va parler de censure, donc je n'en dis pas plus parce que je pourrais m'emporter, là. Voici Black Popcorn de Young Rival à Assemblage Rocky. Stereo. Oh, something. Young Rival et la pièce Black Popcorn, mince éclaté et noir. Hey, j'avais oublié que j'avais encore deux fois dans l'émission, deux fois dans la même émission que je parle l'intro sans le vouloir, tu sais. Oui, hein, là, ouais, c'est honteux. Remets-moi à l'ordre. Mathieu, fouette. Je pense que t'allais faire comme genre toc, tu sais, order in the court. Comment qu'ils disent ça, genre? À l'ordre. Bon, à l'ordre, c'est panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun, bienvenue. Bon matin, Mathieu. Très heureux de te retrouver. Ben oui, c'est un plaisir est réciproque. Et voilà. Pour une autre chronique, panier à salade, la chronique sur la justice, les choses judiciaires, juridiques et tout ça. Et cette semaine, on parle de censure. Ben, censure ou de liberté d'expression. Ah. On peut dire le côté positif du concept, c'est la liberté d'expression. Et... ce qui m'a fait un peu penser à ça, ben, en fait, c'est un concept qui est protégé maintenant. Bon, il y a la Charte canadienne des droits et libertés qui protège la liberté d'expression. Et puis, c'est facile à dire, mais on a toutes des formes de d'autocensure. Vous-même, à la radio... dans les chroniques de sexe, là, je me retiens un petit peu. Là. Ben oui, puis le CRTC surveille certains propos. Bon, on peut fermer une station. On se rappelle Radio X à Québec qui avait déraillé complètement. Là. Des propos diffamatoires, ouais, des choses racistes, homophobes. Des choses dégradantes. Ça. Et ce qui m'a fait penser à ça un peu en fin de semaine, c'est le congédiement d'un blogueur, de quelqu'un qui tenait un blog pour Québécois. Là, c'était un peu dans le journal qui est le propriétaire du journal de Montréal, oui. Dénommé Jean Barbe. Jean Barbe, lorsqu'on parle, je parle à l'occasion de Richard Martineau, qui était une de mes références... culturelle. Pas nécessairement dans le bon sens. Non, pas nécessairement dans le bon sens. C'est un peu la raison pour laquelle j'aime ça parler, de venir parler de quelque chose duquel lui parle souvent, ben, je pense qu'il connaît pas. Il y a eu son nom dans pas mal chacune des chroniques. Là. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est fréquent. Ça fait une couple de semaines que j'y pensais pas, puis là, ça m'est revenu en fin de semaine en pensant à Jean Barbe. C'est Jean Barbe et lui sont les fondateurs, en fait, du Voir dans les années 90, je pense, le journal Voir. Et puis, à l'époque, ça se voulait alternatif. Oui. Ça se voulait, bon... Et ils sont tous les deux quittés Voir, et Martineau est devenu un peu le fleuron de la pensée québécoise, là, un peu très à droite en matière notamment de justice. Jean Barbe est resté un peu fidèle à ses idées, et évidemment, il a un rôle beaucoup moins important chez Québécois, et il faisait que tenir un blog où il était à peu près tout seul à avoir certains propos, alors que tous les autres blogs allaient un peu dans le sens à droite, entre guillemets, law and order, et en matière économique, en matière politique et tout ça. Et Jean Barbe fait une montée de lait dans son blog contre tous les autres chroniqueurs de Québécois et certains autres chroniqueurs de d'autres médias. Et il les traite, il trouve qu'ils fonctionnent trop avec le système. Et dans son article, il les traite, il dit pratiquement, il dit qu'ils sont comme... des prisonniers dans des camps de concentration qui collaboraient avec l'oppresseur à l'époque pour une bouchée de pain ou en tout cas quelque chose. Il fait un genre de parallèle, ouais. Qui est plus ou moins habile ou plus ou moins... Ben, c'est un sujet que tu devrais peut-être pas nécessairement toucher. Dans... Mais l'image est forte, mais douteuse un peu. Oui, ouais, mais là, jusqu'à quel point? Là, immédiatement, bon, il a été congédié à cause de ça. C'est un... En fait, tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration, on s'entend, c'est l'horreur, c'est l'horreur absolue. Est-ce qu'on peut y faire référence? Lui, il parle de... Il y a même une loi qui a été développée sur Internet qu'on appelle la loi de Godwin. Je sais pas si vous connaissez la loi de Godwin. Aussitôt que tu fais référence à Hitler... Non, il dit... C'était plus d'argument, non? Non, aussi, là. Ben, ça revient un peu à ça, mais dans le fond, la loi de Godwin, c'est... M. Godwin a dit... plus une discussion, un débat est long sur Internet, il va nécessairement conduire à une citation, une référence aux camps de concentration, ouais, aux nazis. Parce que quand on n'a plus d'arguments, un peu comme tu dis, Mathieu, ben, ça revient on fait ça. Référence à ça. C'est facile de faire ça. Ben oui, c'est ça. Puis, par contre, c'est un fait historique quand même. C'est l'horreur. Et puis, il y a sûrement une façon d'y faire référence, même pour des choses un petit peu... dans des discussions. J'ai vu... j'avais journaliste qui est juif d'ailleurs, new-yorkais, qui s'appelle Nat Antoff, vous connaissez probablement pas, mais non, qui écrivait au Village Voice, qui est un journal un peu le Voir, l'équivalent du Voir à New York. Et lui, il est farouchement contre l'euthanasie. Bon. Lui, il parle dans ses chroniques, il fait beaucoup de références à ce que les nazis avaient comme propagande sur l'euthanasie pour mettre à mort, par exemple, les personnes handicapées, les personnes, bon, les mourants. On a commencé avec les mourants. Et lui, il fait souvent ce parallèle-là pour s'opposer à l'euthanasie. Il fait ce parallèle-là. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je pense que oui, parce que, bon, il prévient le monde sur des dérives qui peuvent survenir ou des idées qui peuvent paraître très normales et qui peuvent conduire à des horreurs comme bon. Il y a un autre exemple qui était l'émission Seinfeld. Moi, j'étais un gros fan de l'émission Seinfeld. Je sais pas si vous êtes... Je les ai tous vus. Ah oui? Tous. Je les ai regardés dans l'ordre. Je les ai pas vus. Non, je connais pas ça. Il faut acheter ces coffrets-là parce que moi personnellement, les années 90, mes références humoristiques, c'est Seinfeld. Ce n'est que ça. Comme dans les années 80, c'était Three's Company, mais ça, c'est une histoire. Et comme tous les Québécois ont l'air d'avoir les Simpsons comme référence, on dirait que tout le monde... Actuellement, c'est pas mal les ça. Je m'inclus là-dedans. Ouais, c'est correct. Mais... Seinfeld, à un moment donné, a fait une émission. Et vous savez à quel point... C'était pas une émission qui était grossière, vulgaire ou quoi que ce soit, mais il avait pas peur d'aborder certains sujets. Et Seinfeld est lui-même un juif, et ses parents sont juifs. Et le personnage qui joue dans l'émission, évidemment, c'est Seinfeld, c'est lui-même. Et il est juif. Et à un moment donné, il va voir le film... le film de Spielberg, là, où, sur les camps de concentration. La liste de Schindler. Exact. Et il va voir ça avec sa blonde et ils font du necking. Ils font, en regardant le film de la liste de Schindler, et des amis de ses parents sont dans le banc derrière. Et là, c'est un peu le scandale dans la famille. Puis ça, ils ont fait toute une émission là-dessus. Donc, il est allé très loin. Ça a l'air un peu banal de faire une émission là-dessus, mais ça touchait un sujet très, très chaud. Et. De faire ça à l'époque où la liste de Schindler, c'était le film que tout le monde devait avoir vu et c'était presque religieux d'aller voir, une obligation d'aller voir ce film-là et de pleurer là-dessus, ça a gagné tous les Oscars, que lui, en tant que juif, se moque un peu de cette frénésie-là. Mais je pense que ça a sa place quand même parce que, à un moment donné, la liberté d'expression, ça va loin et... peut-être un peu éviter les dérives d'un bord comme de l'autre. J'ai vu un film récemment, un film de Louis de Funès. Je suis aussi un grand fan des films de Louis de Funès. Et le film s'appelle Le Grand Restaurant. Et dans ce film-là, Louis de Funès joue le rôle d'un propriétaire de restaurant, tout simplement, comme tous les personnages de Louis de Funès. Si vous avez déjà vu des films de lui. Non, ça manque. C'est toujours un petit personnage. Il fait penser beaucoup à Sarkozy, le président. Là. Quelqu'un... comment dire, qui... un licheux, je dirais. Là. il terrorise tous ses employés. C'est le propriétaire d'un restaurant. Et face aux clients, il est toujours à quatre pattes devant ses clients. Puis c'est un peu ça, le personnage. Et c'était tourné en 64. Donc, à peu près 20 ans après la fin de la guerre. Et à un certain moment donné, il y a des clients qui sont des Allemands. Et... il se tourne vers ces clients-là et par un effet d'ombrage, ben il y a une petite moustache qui apparaît sous son nez, puis une espèce de mèche un peu comme Hitler. Et là, il se met à adopter un ton qui est une imitation carrément de Hitler. Et ça, c'était fait en 64. Donc, 20 ans après la fin de la guerre, après la fin de ces horreurs-là, dans une comédie qui n'a rien à voir avec... Il n'y a pas de message politique apparemment dans ce film-là, mais il s'adresse à des Allemands sous ce ton-là et à ce moment-là, quand on pense qu'il y a des gens que tout le monde a vécu ça, là, ces horreurs-là, l'occupation en France. Donc, même l'humour, des fois, a touché à ce sujet-là. Parfois, c'est bien reçu. Parfois, c'est un peu étrange ce qui fait que les gens réagissent ou ce qui fait que les gens réagissent pas. Et dans le cas de Jean Barbe, ça a été son congédiement de Québécois. Est-ce que c'est parce qu'il a fait une analogie malheureuse ou parce qu'il ne fitait pas tout simplement dans l'idéologie de l'organisme? À tout le moins, on voit il y a peut-être un petit début de censure où on se sert de quelque chose pour censurer des gens. Et tout ce grand détour-là pour nous amener au droit criminel qui interdit, et il y a des dispositions dans le code criminel qui interdisent d'aller trop loin et qui ont été un peu examinées par les tribunaux. Il y a un article qui s'appelle, qui est l'article 319, qui dit ceci. En fait, c'est l'article 318. Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Donc, 5 ans pour fomenter un génocide, c'est quand même pas si pire que ça, mais c'est quand même interdit. Et l'article 319 dit « Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable d'un acte criminel. » Donc, inciter à la haine contre un groupe identifiable. Donc, ça, c'est un crime au Canada. Alors, ça a l'air simple de dire, ben oui, c'est pas beau d'inciter à la haine et tout ça, mais lorsque quelqu'un dit, par exemple, et dans l'histoire des années 1900, des infractions comme celle-là, on disait, par exemple, on n'aime pas les Américains. On veut que les Américains Yankee go home ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que c'est de l'incitation à la haine contre un groupe identifiable? Un petit peu. Ben oui, on les aime pas. Bon. La Cour suprême s'est posé des questions là-dessus et il y a eu un cas, et ça revient tout le temps, c'est souvent ce qui teste un peu les limites de la liberté d'expression, c'est souvent les références justement à des génocides, particulièrement à ce qui s'est passé à l'époque nazie. Il y a un monsieur qui s'appelle Keegstra, qui demeure en Alberta et qui était professeur d'école. Lui, il détestait, c'est un antisémite, là, donc il y a des gens comme ça c'est souvent ça et d'autres. On commence tout le temps en étant antisémite et aussi autre chose, on dirait. On n'est jamais... Ouais, en tout cas, ça commence par là. Il y a des gens qui... Je ne sais pas ce qui les conduit à ça. Je pense que c'est tentant de vouloir tout mettre les problèmes de société sur un groupe. Mm. Et historiquement, semble-t-il, en tout cas, ça a été le cas en Europe. C'est encore le cas aujourd'hui. Keegstra, qui était un professeur au secondaire, disait « Les Juifs sont des êtres perfides. » Il disait « Subversifs, sadiques, cupides, infanticide, et il enseignait ça aux étudiants dans sa polyvalente, là, et il disait que ces gens-là étaient responsables à peu près de tous les problèmes qui pouvaient arriver, les crises économiques, les guerres, bon, tout irait tellement bien. Et là, un moment donné, il a fini par être congédié. ça a pris combien de temps, on ne sait pas. Mais... ça a pris une douzaine d'années. Il a enseigné de 70 à 82. Peut-être qu'il était plus fou à la fin qu'au début, je sais pas. Mais et là, on l'a accusé de ce crime-là d'incitation au génocide parce qu'il disait qu'il fallait les éradiquer dans le fond. À la fin de son raisonnement, c'était il faut éradiquer les Juifs. Et... parce que sa race, à lui, était la meilleure. Ouais. Et cette disposition-là, elle a été invoquée, de ce que je vous ai lu, l'incitation à la haine. Donc, on l'a accusé de ça. Il a été condamné devant la Cour suprême. La Cour suprême a dit « Oui, on a le droit de légiférer. » Parce que lui, il invoquait la Charte des droits. Il disait « La Charte des droits protège la liberté d'expression. Ouais. » Donc, je devrais avoir le droit de dire ça, parce que je pense ça. Puis c'est une limite qui est inacceptable à ma liberté d'expression. La Cour suprême a dit « On a le droit d'avoir ces opinions-là. » Mais là, on est rendu à un point où lui enseignait ça. C'est ça. Il enseigne... ben pas juste... s'il avait juste enseigné la haine, ça aurait peut-être été... à des enfants? Ben, là, il y aurait peut-être... c'est un motif de congédiement. De toute façon que ce soit correct. Là. C'est un motif de congédiement, ouais. Mais... sûrement. Mais avant d'envoyer quelqu'un en prison ou de qualifier de criminel pour une expression, la Cour suprême s'est quand même torturé un peu le cerveau parce que ils se disent... qu'est-ce qui était haineux des fois dans le jeu politique ou dans... on peut avoir des propos qui vont un peu aller un peu loin ou des images. Et puis, il faut quand même pas empêcher les gens de s'exprimer. C'est ça. Puis, parfois, juste la bêtise d'une opinion est suffisante, dans le fond, pour un gars comme ça. Je pense que lui, il se promenait Keegstra avec un casque de construction tellement les gens, ils lançaient des roches. Ils disent aussi, il y a des idées... combattre ces idées-là, c'est pas nécessairement en emprisonnant ces gens-là ou en faisant des victimes qu'on va mettre fin à ça. Au contraire, des fois, on peut créer, on en crée... des gens passent pour des martyrs dans leur cause et puis ça nourrit un peu ces paranoïas-là. Ouais. Donc, mais on a dit, bon, là, l'incitation à la haine est dirigée vers un groupe précis et à des fins lorsqu'on parle de susceptible d'entraîner des actes de violence, puis c'est vrai et ça se produit. Ces groupes-là, souvent les skinheads, les antisémites, tout ça, vont s'attaquent à des personnes, généralement des commerces juifs ou des tombes ou des choses comme ça. Donc, on a dit, c'est justifié, C'est une violation, c'est une restriction de la liberté d'expression, mais qui, elle, est justifiée. Mais très peu de temps après, il y a un autre personnage un peu timbré qui s'appelle Zundel, Z-U-N-D-E-L, qui est un Allemand. Lui, il est né en 1939 et il a immigré au Canada. Et lui, il fait partie de ce qu'on appelle les révisionnistes. Donc ça, derrière ça, c'est des antisémites, mais c'est des révisionnistes, eux autres, ils invoquent une théorie que toute l'histoire concernant les camps de concentration... Ça n'a pas eu lieu, ça. Que ça n'a pas eu lieu. Non, c'est des Holocaust deniers en anglais. Exactement. Okay. Ils ont toute une espèce d'échafaudage théorique derrière leur affaire. Juste pour vous... pour que vous compreniez, qu'on comprenne bien, je dirais, l'absurdité de ça. Lui, le titre de son livre, c'était « Did 6 million really die? » Est-ce qu'il y a vraiment 6 millions de personnes qui sont mortes dans les camps de concentration? C'est vrai, ça, c'est vrai. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu. Je suis allé voir un peu c'est quoi son idée. Là. Ouais. Comment il y a preuves derrière ça? Il y a toute une histoire qui est vraie autour de ça. Fait comment... Puis là, ben, tu sais, moi, j'aime ça donner une chance, dans le fond, au coureur. C'est quelqu'un qui dit quelque chose. Mais finalement, j'ai arrêté au moment où il admet qu'il y en a eu 200-300 000. T'sais. Donc, pour lui, c'est pas 6 millions, c'est juste 200-300 000. Quand je me dis juste 200-300 000, c'est un peu là que je décroche. Ça reste un génocide pareil. C'est, ça fait déjà pas mal de monde. Mm-hmm. T'sais. Fait que là, disons que ce débat-là est à peu près... sans intérêt, et les données scientifiques, et ça a été démontré, sur lesquelles ils se fondent, sont complètement absurdes. Mais là, lui, c'était pas... C'est de la pseudo-science qu'il fait. C'est pas de l'incitation à la haine, lui. Il dit pas qu'il déteste les Juifs. Mais derrière ça, on voit qu'il est à coquiner avec toutes sortes de mouvements néo-nazis. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut attaquer ça? Il y avait un autre article qui était dans le code criminel qui est le suivant, l'article 181. Il dit, est coupable d'un acte criminel... Quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause et qui est de nature à causer une atteinte ou un tort à quelque intérêt public. Donc, pour accuser quelqu'un de cet article-là, il faut que la personne répande sciemment quelque chose qui est faux. Et c'est sous cet angle-là qu'on a voulu attaquer M. Zundel et qu'on l'a traîné à procès et qui a été condamné en Ontario. Et M. Zundel, lui ici, est monté devant la Cour suprême. Et c'est dans les années 90, la Cour suprême a invalidé cet article-là, en disant, on va... Et là, il y a eu un gros débat parce la Cour suprême s'est séparée en deux camps là-dessus. Il y a des dissidents. Et n'utilise pas le mot « camp » là-dedans. Non, c'est vrai. Effectivement. Peut-être que la loi de Godwin vient de s'appliquer. Ah! On est rendu à... On parle des camps. Mais Ce qui déchire un peu les juges de la Cour suprême et ce qui paraît, à prime abord, un petit peu absurde pour les gens qui lisent ça, c'est que on protège ici la liberté d'expression de faits qui sont faux. On dit, cette personne-là, est-ce que la liberté d'expression va jusqu'à protéger les gens les trois juges qui disent que cette loi-là devrait être maintenue ou devrait rester valide? Ils disent, écoutez, on ne peut pas protéger des gens qui sciemment disent des choses fausses. Ils mentent. Et la majorité dit oui. Il faut aller jusque-là. Et leur raisonnement n'est pas fou. Premièrement, il y a une question de politique générale. On dit, la liberté d'expression, la protection de la liberté d'expression, ça existe pas pour protéger les gens qui pensent comme nous, mais pour protéger les gens des opinions que l'on déteste. Donc, et on en a une dans ce cas-là. Deuxièmement, on parle de faits historiques. Là, on a quelqu'un qui prône une version de l'histoire, une version de l'histoire qui est aberrante, qui est rejetée par à peu près toutes les personnes qui ont le moindrement de connaissances dans ce domaine-là, mais qui est soutenue par une petite minorité de gens qui prétendent avoir certaines connaissances. Eux, ils pensent que c'est vrai. Mm-hmm. Et on peut pas lui enlever cette idée-là de la tête. Là. C'est un peu comme dans le film... comment ça s'appelait? Où on allait changer les idées... Total Recall. Dans la tête des gens. Là. Donc, non, c'est plus récent. En tout cas. Et on dit, par exemple, lorsqu'on a publié les versets sataniques, c'était le livre de Salman Rushdie. Dans les pays musulmans, On a prétendu, on s'est attaqué à lui, même qu'il y a encore aujourd'hui, il est condamné à mort. Salman Rushdie, il vit en cachette depuis les années 80, depuis qu'il a publié son livre, parce que chez les musulmans, ça a été reçu comme une offense, comme un sacrilège. Bon. Mais aussi, on disait, il répand des faussetés sur le prophète Mohamed. Bon, c'est un livre, c'est un roman. C'est un roman qui est écrit par un musulman. Lui, il est de culture musulmane. Et dans tous les pays musulmans, c'est un fait reconnu, que tout le monde prend pour acquis, que Rushdie a répandu des faussetés sur le prophète Mohamed. Mahomet. Ça dépend des régions, il y en a qui disent Mohamed. Oui, Mohamed, c'est ça. Je pense qu'en anglais, on dit Mohamed. Ouais, c'est ça. Et donc, on dit, est-ce que le concept de la vérité, surtout en matière d'histoire, est-ce que c'est pas un concept qui est trop flou et qui va conduire... La société va adopter certaines certitudes sur des sujets, puis personne ne pourra les contester sous peine d'être accusé de véhiculer des faussetés. Et on a dit, c'est peut-être un peu... C'est pas de gaieté de cœur qu'on a donné raison à ce monsieur-là, ce sinistre monsieur Zandel, qui, par ailleurs, a fini par être emprisonné en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est interdit de faire toute référence. Il a été comme extradé du Canada un moment donné, et il a été envoyé en Allemagne. Et en Allemagne, on a vu l'historique... Les lois sont encore plus sévères là-bas et ce sujet-là est encore plus tabou. Donc, il a été condamné là-bas, je pense, à 5 ans de prison. Mais ici, au Canada, on a dit, écoutez, quelqu'un qui véhicule des théories, même des théories qui sont extrêmes, devrait avoir le droit de les véhiculer. Ce qui est faux à un certain moment donné, et on donne d'autres exemples historiques qui sont démontrent que l'histoire a avancé comme ça. C'est souvent des minorités qui ont... Ça me rappelle le créationnisme. Versus l'évolution qui est enseignée dans les écoles aux États-Unis. Maintenant, ils sont forcés, en tout cas à certains endroits, d'enseigner les deux aux enfants pour que les enfants se fassent une idée eux-mêmes. Bon, ben, vous voyez, c'est ça. C'est la même chose. Si on prend une société qui adopte le créationnisme, ben Darwin, il va passer pour véhiculer des faussetés. C'est un peu comme ça que le procès de Galilée au Moyen-Âge. Donc, on a reconnu, et c'est souvent par des... C'est les pires personnages qui force les lois, qui testent en fait le jusqu'où on peut aller avec les lois, parce qu'on pensait pas accuser toute personne qui est dissidente avec ce qui se passe dans la société. Mais on a quand même reconnu, et ça, ça a l'air particulier, mais je pense que les raisons sont bonnes à cause de ce que je viens de vous dire, mais le droit de publier, on a vraiment un droit enchâssé dans la Constitution de prôner des faussetés, dans le fond. Ouais, c'est pas obligé de les acheter, ces livres-là, puis tu ouais. Mais c'est lorsqu'on te les enseigne que moi, c'est là que ça. Qu'on enseigne ça à des enfants, que c'est là que ça vient me déranger un petit peu. Oui, mais là, écoutez, il reste aussi, puis il faut pas oublier, puis la Cour suprême le rappelle, il y a toutes les actions en dommages. Bon, c'est pas parce que quelqu'un est pas criminel comme M. Zandel, parce que là, c'est de criminaliser, c'est d'envoyer ces gens-là en prison. Ouais, ouais, ouais. Puis souvent, d'en faire des. Oublions pas ça, c'est d'en faire des martyrs à leur cause, et les gens qui sont attirés par des causes un peu extrêmes comme ça, souvent vont recevoir le mauvais message si ces gens-là sont emprisonnés. Et ils vont peut-être être plus portés à embarquer dans leur délire. Mais il y a le congédiement pour les professeurs, il y a on peut actionner quelqu'un en libelle diffamatoire. À un moment donné, pour obtenir des dommages, à un moment donné, je crois que c'était, je sais pas si c'est Jacques Parizeau ou un des premiers ministres du Québec... Lucien Bouchard, qui avait été un peu accusé d'être, justement, là, souvent, les gens, le camp fédéraliste accusait le camp souverainiste d'être raciste. Et là, des fois, les analogies partaient de toutes parts et on arrivait, justement, à la loi de Godwin. C'est facile, ouais. On faisait une allusion au camp de concentration. Je sais que Roch et Bazaret avaient déjà fait une parodie de ça, d'ailleurs. Je crois que c'est Parizeau ou Bernard. Je pense que c'est Bernard Landry qui avait poursuivi un commentateur anglophone, justement, parce qu'il l'avait comparé à des nazis ou à Hitler. Et il avait gagné. Il y a des montants qui peuvent être octroyés en dommages et intérêts pour ça. Mais c'est pas nécessaire d'envoyer des gens en prison et de limiter les envoyer en prison, c'est d'aller trop loin, je pense. Alors. Il reste un petit peu de liberté d'expression. Oui. Hey, c'est un sujet lourd, tout ça. Oui, un petit peu. Mais on est passé au travers et c'était, comme toujours, très intéressant. Merci beaucoup, Michel Lebrun. fait plaisir. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Est-ce que vous êtes encore en onde la semaine prochaine? Oui, dernière semaine la semaine prochaine. Parfait. Si ben, ça vous va. On va essayer de prendre. Si ça vous va, bouba, bouba. Donc, Michel Lebrun, la semaine prochaine, mardi à 8h. Dans quelques minutes, on reçoit David Ferron, Stéphanie et Paradis. Oui. Oui. David Ferron qui va nous faire la langue dans ton oreille. Pas la mienne. Pas la tienne. Non, la sienne. Pas dans mon oreille. Il va mettre sa propre langue dans son propre oreille. C'est un exploit que seul lui est capable de faire. Oh, j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, on écoute Charlottetown. Voici la pièce de Charlottetown. Je ne me rappelle plus le titre. Je pense que c'est tôt ou tard. Chaud. Assemblage rock. Retour, c'est la chronique de David Ferron, la langue dans ton oreille, qui essaie de faire des blagues pendant que je suis en train de parler puis d'annoncer la pub. C'est drôle, hein? Hein, Steph? Ah, c'est... Oui. Tu sais que dans le mot mardi, il y a comme... Ça enlève une lettre. En tout cas. Laquelle? Le M? Oui, c'est ça. Hardy, c'est ce que ça voulait dire. Hardy. On vient dans 2 minutes. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. C'est sûr. Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef, Journal Zone Campus, fera le tour du plus récent numéro. On aura le beau duo d'Anne-Julie Durocher et de Jasmine Raymond-Raville pour les chroniques L'Alex et AGUPA. Et finalement, Maxime Bilodeau sera là pour sa chronique sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Mais maudit repeat de maudit repeat! Toujours Assemblage requis, il est 8h37. Stéphanie Paradis est toujours là. Toujours! Toujours, toujours, mais juste pour aujourd'hui et demain. Genre. Si on... Donc, toujours, mais à court terme. C'est ça, à court terme. En remplacement de François-Olivier Marchand, évidemment. Oui. Hein? Moi, c'est Mathieu Plante. Et maintenant, on accueille David Ferron. Voici sa chronique, La langue dans ton oreille. Ouais. Mmh. c'est cute, hein? C'est très cute. Ah, bonjour Stéphanie. Salut, ça va bien? Ben oui, une chance que t'es là parce que Mathieu tout seul, là. C'est pas vargeux, ben bien. Donc, Stéphanie, David, David, Stéphanie. Ben, enchanté, bon. On s'est déjà vu. Enchanté. Faut vraiment qu'il sent la main, vraiment, oui. Parce que la radio, tu sais. Ben, on a le souci du détail. Oui, bon. On est des perfectionnistes. Oui, on vous l'avait pas entendu quand on s'est serré la main, non? On l'a pas fait assez fort? Non. Elle m'a cassé deux os de la main. Ah, OK, je pense que c'était visqueux. Non. Ah. David Ferrand, donc la langue dans ton oreille. Non, mais c'est toi qui mets du liquide de langue partout, là. Ce qu'on appelle communément de la bave, là. Hein? Du liquide de langue, ça faisait bizarre. Ah, la langue dans ton oreille. Du liquide de langue, j'aime ça. Donc aujourd'hui, on parle de quoi dans ta chronique sur la musique francophone, finalement? Ben oui, évidemment. En fait, vu que c'est la fin de l'année, puis à chaque fois qu'il y a une fin d'année, c'est toujours récapitulation des meilleures choses qui s'est passées durant l'année. Original, oui. Oui, je sais, je suis pas très original aujourd'hui, mais mes chansons le sont un petit peu plus. Bon, c'est ce qu'on va savoir par les commentaires de nos auditeurs sur Facebook qui disent que ta musique, c'est de la mort! Ouais, mais c'est pas grave. D'ailleurs, celui qui a dit ça, je vous conseille pas d'écouter son émission qui s'appelle Le Dîner de con qui passe à midi. Non, en fait, écoutez-le. C'est vraiment une bonne émission. Bon. Si vous voulez passer un moment savoureux ce midi, écoutez-le. Rire un peu. Ben oui. Ah, faut oui. Se détendre dans la vie. Puis Danny, c'est très bien faire ça. Oui. On l'appelle le détenteur. Puis moi, je t'assume pour dire que son émission est bonne. C'est vrai. Je suis pas rancunier. Non. Non. Non. Ça parle de ça. La frustration. Mais non, en fait, je vais vous présenter trois chansons qui sont sorties cette année d'artistes différents. Et le premier que je vais vous présenter, c'est l'artiste français qui est né en Mauritanie, qui a vécu au Sénégal une partie de sa vie, c'est-à-dire Dabi Touré. Je vais vous présenter un dernier verre. Dernier rêve. J'ai soif. un dernier rêve. Donc là, on écoute les paroles, on fait comme « Ah, ça ressemble à du Corneille ». Non, en fait, si on écoute l'album, c'est du bon folk avec de l'infusion de world beat. Fait que c'est très agréable. Quand on écoute cette chanson-là, « Un dernier rêve », on se sent bien. On se sent le cœur léger. Okay, mais c'est du folk, comme tu dis, le côté Corneille, tu le trouves où là-dedans? Ben, il est à nulle part, finalement. Fait que pourquoi on compare à Corneille, non? Pour attirer ton attention, pour que tu diffuses tout de suite un dernier rêve de Dabi Touré. OK, ça avait l'air drôlement dit, je trouve, mais quand même, on y va. Dabi Touré. Ça attire ton attention, hein? Oui. Liquide de langue. dernier rêve, un dernier rêve à faire. C'était un dernier rêve de Dabi Touré qu'on peut retrouver. En fait, la chanson, on peut la retrouver sur l'album Langage qui est sorti cet été. Excellent! À part l'autotune à la fin, c'est bien bon. Ouais, c'est ça, mais c'est juste pour planer. Je trouve que l'autotune, des fois, ça peut être bien utilisé. Par exemple, Kanye West, je pense que c'est un des seuls qui sait bien l'utiliser. Pour ouais, faire des fois... je connais pas assez pour pouvoir débattre avec toi de Kanye West. Ou Imogen Heap, elle m'a donné... elle fait une tune a cappella, mais elle met beaucoup d'autotune. Elle exagère le vote. Ouais, j'ai pas haï cette pièce-là. Hide and Seek? Oh, je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est Hide and Seek. Ouais. Jamais vous l'écoutez une tune entièrement auto-tunée, ben. Alors, c'était un dernier rêve de Dabi Touré. Et maintenant, on passe à Monsieur Le Temps, chanté par Tricia Foster. Qui est Tricia Foster? C'est une chanteuse franco-ontarienne qui a sorti son dernier album, son troisième négligé cet été. C'est un bon album. En fait, moi, j'aime bien l'artiste. Je l'ai vu deux fois sur scène. C'est une artiste qui est vraiment très généreuse, qui donne beaucoup d'elle-même sur scène. C'est quelqu'un qu'on voit qui aime ça chanter, qui est tout le temps de bonne humeur quand elle vient chanter. La chanson Monsieur Le Temps, moi, je la trouve vraiment bonne. Mais par contre, écoutez pas, regardez pas le clip. Non, une chance qu'on est à la radio. Hein? Regardez pas le clip, c'est mauvais. Qu'est-ce que le clip? Raconte-nous. Ben, c'est amateur. C'est tout simplement amateur. Okay. Tu verras sur YouTube, Monsieur Le Temps. Et malheureusement, ça gâche tout parce que Tricia Foster, c'est une artiste que j'aime bien, mais quand t'as pas de budget, ben, ça fait ça. Malheureusement, elle a été desservie par un manque de budget, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter Tricia Foster, écoutez son album précédent commercial qui ramasse vraiment les radios commerciales. Ah oui, intéressant comme ça. Oui, puis elle fait une parodie de Ginette Renault, elle pique entre-temps à Star Academy. Vraiment, c'est jouissif comme chanson. C'est intéressant. Oui, hein, ça a l'air bon. Puis avant de diffuser du Tricia Foster, je voulais célébrer la fête de Ingrid Saint-Pierre. Je sais pas c'est quand, mais tellement belle et tellement fine, Ingrid Saint-Pierre, qu'on écoute ses deux disques, One Shot. One Shot, oui. One Shot. Là, tu fais une pin contre ce que Sébastien Zvide nous a dit hier. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pour dire à quel point j'ai aimé sa chronique. C'est un clin d'œil amical à M. Dulude. On peut voir d'ailleurs son article, la version écrite dans le Zone Campus, dont la dernière édition est sortie aujourd'hui. Oui, en fait, va sortir. Il est fin. Je sais pas si tu connais David, tant que ça, David, Stéphanie, David, ça a été fait. Ouais, on va sortir la main, oui. Ouais. Encore, attention. Oui, j'entends. Flock. Donc, David est Monsieur Plug. Monsieur il est très Plug. Bon, il est très bon faire des plugs, il est branché. Ça paraît-tu, j'étais représentant publicitaire à une certaine époque. C'est ça, pendant deux mois, toi? Trois, quatre. Ben, plus que ça. Combien de temps? Ben, à peu près de janvier, ben non, de novembre jusqu'à juin. Non, même pas. Novembre jusqu'en septembre, c'est 8 mois. C'est 10 mois. C'est... 10 quoi? Mois. Novembre à... Hein? Novembre à septembre. C'est 10 mois. Pas grave. Pas assez de doigts. Ouais. Pas comme il y a du Trisha Foster. Ouais. Ça... Malaise. C'est la chanson Monsieur Le Temps dans la craque de David Ferron, la langue dans ton oreille. Floc à floc! Yeah! Floc à floc à floc! Comment? Veux. Veux, hein? Gustave! C'était Monsieur le Temps de la chanteuse franco-ontarienne Tricia Foster et j'espère que Stéphanie s'est remise de ses émotions. Oui, parce que tu m'as montré le clip, c'est ça? Oui, exactement. Il répète à plusieurs reprises, ne regardez pas le clip, je me vire de bord, puis le clip est là. C'est David, ça, c'est David. Ouais, en fait, c'est ça qui est plate parce qu'une bonne artiste comme Tricia Foster qui arrive avec des mauvais clips, c'est triste, ça me crève le cœur, c'est comme... Si pour toi, par exemple, Mathieu, tu verrais Lisa Leblanc faire une mauvaise tune, tu serais triste, ton cœur serait. Ben oui, ce serait vraiment hors contexte, une mauvaise chanson de Lisa Leblanc. Ce serait du jamais vu. Ça serait pour toi, c'est un pléonasme. Bah, tu sais, chacun ses goûts. Hein. Ouais, c'est correct, je te respecte pareil. Et chacun ses pins de ta part aussi quand j'aime pas Lisa Leblanc. Ouais, t'as le droit. C'est correct. Est-ce qu'on respecte Mathieu ou on l'isole puis on le marginalise? On le marginalise. Moi, j'aime Lisa Leblanc. On marlisanise. On le... Marginalise. Bon, c'est mieux comme ça. Marginalise. Ah! Oh. J'essayais vraiment, là, j'ai réussi à... Est-ce que tu as essayé de faire comme des gens de balaboum balabing sur la table? Ben, ça marche pas vraiment. Ah non, on n'entend pas. Essaye sur ton micro. Ah, pas un beau son. Ça fait penser à d'autres choses. Oups, je te demanderai pas quoi. Il nous reste un dernier choix dans ta chronique La langue dans ton oreille. Tu nous présentes tes coups de cœur, en fait, les choses que tu as aimées le plus cette année musicalement, francophoniquement parlant. Ouais, c'est pas nécessairement le plus au monde, mais c'est des chansons qui méritent d'être connues. Ça veut pas dire que l'album au complet est super bon, mais quand on écoute la chanson, on fait comme wow, c'est vraiment bon, on passe un bon temps. Et c'est des artistes que j'ai découvert. Ben, en fait, Tricia Foster, ça faisait un bout que je la connaissais. Oupa and the Apple Fishes, c'est la même chose. En fait, Oupa and the Apple Fishes, c'est le groupe qu'on va écouter, qui ont sorti un album qui s'appelle Build, dont est tiré l'extrait Gumbo Radio. Oui. Donc, là, on va écouter Sur la route, qui est la chanson francophone de l'album, parce que l'album, il y a, en fait, il y a de quoi en espagnol, anglais, français, puis je pense, même, je me trompe pas, il y a un petit peu d'hindou, parce que la chanteuse Rupa Maria vient de l'Inde, et quand elle n'est pas avec son groupe Rupa and the Apple Fishes, eh bien, elle soigne des patients parce qu'elle est médecin. Des roues patients? Wow, oui! Roues patients? Non? Non. Non. Non. Je la ris. Non. Je la ris pas, roues pas. Ah. Faudrait vraiment que tu regardes le clip des appendices. De, sur les jeux de mots? Oui. Tu me l'as envoyé sur Facebook. Faudrait que tu le postes sur la page Facebook d'Assemblage Requis, hein? Excellente idée. Bon, parce qu'il y a un sketch des appendices sur les jeux de mots. C'est quoi? C'est une école de désintoxication pour les... Oui, pour les gens qui font trop de jeux de mots et ces gens-là, leur vie est gâchée. Les jeux d'humoristes. Oui. Jeux d'humoristes. Les jeux de Maurice. Ouais. Les jeux de Maurice. Merci, David. Ça aide vraiment la blague à tomber encore plus à plat. Point, point. Bloup, bon. Bloup. Bloup, bloup. Voici Rupa and the April Fishes avec Sur la route. On écoute ça à l'instant. Langue dans ton oreille. On dirait que je vous dis qu'on va écouter ça, la langue dans ton oreille. T'sais. C'est comme si c'était vraiment toute une phrase. J'avoue que c'est bizarre. Quel nom de chronique bizarre, David? T'es de même, hein? Ouais. Ben, je suis pas bizarre. Ben oui. Assume-toi. Oui. Je pense que oui. Allô? Mm-hmm. Eh bien, c'était Whoopa and the Apple Fishes et on vient tout juste d'entendre Sur la route tirée de leur plus récent album, c'est-à-dire Build, qui est fortement inspiré par exemple, le printemps arabe et notamment le printemps érable aussi. Puis même, on voit sur une photo sur le site web du groupe, les membres du groupe portent un carré rouge. Quand même, hein? C'est pas un groupe québécois, tu disais, non? Non, c'est un groupe qui est américain. En fait, j'ai dit que la fille venait de l'Inde, mais a tellement parcouru le monde avec ses parents que là, elle est installée aux États-Unis. Présentement, elle est américaine, mais c'est dur de donner une nationalité à Whoopa parce qu'elle a tellement voyagé. Elle est allée, je pense, en France, elle est allée, c'est ça, vivre en Inde. Je sais pas les autres endroits, mais c'est ça, elle a fait pas mal. Puis là, le groupe est présentement basé en Californie. Whoopa, wow, wow, c'est à... Je m'en fais la même blague quand tu l'as fait jouer longtemps. Oui. Non. Hey, sexy David. Non. Oh oui, tellement. Ooh, hello. Donc, tes trois choix de l'année, des choses à découvrir en musique francophone. C'est juste trois, mais il y en a plein. Il y a par exemple les Brigitte que j'ai même pas diffusé. Il y a aussi le dernier d'Amado et Mariam que je vous conseille. Il y a même des collaborations avec le chanteur des Scissor Sisters avec. Pas Godfrey, voyons. J'ai un blanc de mémoire. Je t'aiderais bien si je savais de quoi tu parlais. Seha. Amado et Mariam font une voix avec la chanteuse de Seha. C'est Santi Gold. Ah, d'accord, Santi Gold. Oui, c'est ça, ils font une voix avec Santi Gold. Fait qu'il y a plein de bons duos qui font, que Amado et Mariam font sur leur dernier album qui s'appelle Folila. C'est à écouter. Puis il y avait aussi l'album de Mamani Keita. Que j'ai plein de syllabes à retenir, je trouve. Amado, Mario, Mamani, Mamani, Mamani. C'est des syllabes au hasard. Je suis certaine que c'est même pas des vrais groupes. Ben, Amado et Mariam, vous savez pas c'est quoi? C'est mon Winem qui est sur le repeat encore. Ben, Amado et Mariam, vous savez c'est quoi? Ben, tu nous en as joué à un moment donné. Ben oui. Non. T'as un groupe. Fais comme si. Est-ce que... Oui, ah oui, c'était bon, oui, c'était bon. Je marginalise Stéphanie pour son incultisme, non, ça n'est pas. Incultivation. Incultisme. Tout ça pour dire que t'es une inculte. Élitiste, t'es donc bien élitiste. T'es à barouette, c'est pas long que tu passes à être têteux pis que tu te rentres dedans. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ben non, David mais moi, Ferron et Gustave Lafenêtre. Ben moi, quand je donne les fleurs, je donne le pot, je donne tout. Ben tu donnes l'ensemble, c'est un package deal, David Ferron. C'est important, ça, d'être cohérent. Bon. Oui. Parce que pour que les fleurs soient fortes, ça prend un bol d'eau. C'est ça. Jamais, sinon, les fleurs fanent trop vite. Un bol d'eau, la fleur, elle tiendra pas même dedans. Mais... Quand on complimente trop les gens sans leur donner quelques commentaires des fois, mais on finit par se faner. Tout comme ce que Sébastien Dulude a dit hier dans sa chronique. Ouais, fallait être là. Une chance que François-Olivier Marchand n'est pas là parce que ça déraperait encore plus que ça avec David. Hein? Ah, Seigneur. On va se compter. Bonjour, François. Salut, François. Félicitations. Oui. Donc, David, on te retrouve. Est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine? En fait, je t'ai pas demandé à l'avance. J'ai oublié encore. Si tu veux. Moi, je vais être là. Est-ce que tu veux que je sois là? J'aimerais ça. Ce serait fun. Ben oui, je vais trouver de quoi. Ah oui, des chansons de Noël. Yeah, en français, en plus. Oui. Marie-Lan Tibère. C'était plein, non? Donc, David Ferron, la semaine prochaine, mardi à 8h30. Excellent. Ben merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, Stéphanie, de m'avoir supporté. J'espère que je t'ai pas trop traumatisé. Je vais prendre ma médication après. ne t'inquiète pas, je vais tout oublier. Excellent. Tant que t'en as assez. Oui. Phew. Ça me rassure. Ben, au revoir tout le monde et au revoir vous deux. Passez une belle journée. Merci, toi aussi. On va terminer l'émission ici. On va se retrouver demain matin entre 7h et 9h. Et demain, à l'émission, Stéphanie, je te renseigne tout de suite sur ce dont on va discuter, toi et moi, parce que tu vas être là demain aussi. Oui, je vais être là. Merveilleux. Donc, demain, on va avoir toi qui va faire le tour du journal Zone Campus. Oui, merci de me le rappeler. On aura le duo Anne-Julie Durocher et Jasmine Raymond-Drainville. Anne-Julie, vous savez, elle présente ses coups de cœur ou les choses qui l'ont marqué pendant la semaine dans l'index. Et Jasmine va faire la chronique AGEQTR. Et finalement, Maxime Bilodeau va faire sa chronique sur la culture sportive. Et si j'étais un gars préparé, j'aurais son texte. Ah, tiens, je l'ai juste là. Ah, wow, ça rentrera pas dans la musique de fin, ça. Donc, hyper connecté, surstimulé, sursollicité, nous souffrons tous à un degré ou à un autre de ces mots typiques relatifs à l'utilisation de téléphones intelligents et autres gadgets qui nous bombardent 24 heures sur 24 d'un flot ininterrompu d'informations. L'afflux de nouveautés et d'intérêts est tellement présent qu'il n'est pas rare de constater une véritable peur viscérale de simplement manquer quelque chose. Je sais que j'en suis atteint. On appelle ça la FOMO pour Fear of Missing Out. Existe-t-il une solution à cette stressante addiction? Outre la réclusion pure et simple sur une île déserte, il semblerait que le simple fait d'aller se perdre momentanément à l'extérieur dans la nature puisse en partie régler la problématique. En tout cas, si on se fie à ce que disent de nombreux chercheurs japonais. Donc, ils vont nous faire part de leur surprenante recherche sur la thérapie par la nature. C'est demain, mercredi à 8h30, c'est d'une foulée à l'autre. Demain, 8h30, je le savais que ça rentrerait pas. Ça finit inconfortable comme ça. C'est beau. Ça a l'air moins professionnel. Mouche qui vole. Mouche de la... Merci David, ça rajoute à l'authentisme de la scène qu'on vient de créer. L'authenticité. J'abandonne. Ok, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Bordure, une morsure. Mais ça, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hier, j'ai parlé des chameaux avec l'eau. Oui, les chameaux avec de l'eau dans les bosses. C'est du gras, finalement. est-ce que je suis en train de me faire raser les cheveux parce que on dirait pas une mousse, on dirait un clipper pour les cheveux. Et ensuite avec une pièce de Camille Ta douleur, c'est une pièce que j'ai découverte à l'émission de découverte à l'émission de David Ferron et puis ça m'a marqué donc la voici Ta douleur Camille à son majorité. Ça finit bien. Cette chanson n'est pas présentée par Tide. Okay? Pas du tout par Tide. Non. Fini mal. That's our Tide. What's yours? Bye. C'est quoi le tien? c'est mon tête. Zen. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? J'ai la privée. Faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur. Et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse? Le beurre ou l'argent du beurre? Que tu vives ou que tu meurs? Faut que tu grèves de bonheur ou tu changes de godasse. Faut que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.